Unité 11, leçon 3, exercice 68. C'est un interrogatoire. Répondez par oui. Exemple. Vous l'avez revu ? Oui, je l'ai revu. À vous. Il vous a parlé ? Oui, il m'a parlé. Il vous a demandé où elle habitait ? Oui, il me l'a demandé. Et vous lui avez dit ? Oui, je lui ai dit. Et il est allé la voir chez elle ? Oui, il y est allé. Elle a accepté de le revoir ? Oui, elle a accepté.